Anatolis rêvait d'un pays où tout le monde resterait ami, où la vie est plus encore. Ses fleurs éphémères à tous les passants. Anatolis rêvait de caresses quand le soir descend doucement sur sa tendresse. Anatolis t'aimait, Anatolis t'aimait. Anatolis rêvait de caresses quand le soir descend doucement sur sa tendresse. Anatolis t'aimait, Anatolis t'aimait, d'un printemps plus long et plus frais jusqu'aux cimes verdoyantes, tulipes, jacinthes et éberintes. Anatolis attendait que revienne son amour qui s'était perdu, brisé le cœur lourd sur des récifs de corail. Les lunes bleues sous les cieux d'ivoire, Anatolis voulait bien encore y croire. Sous les lunes bleues, sous les cieux d'ivoire, Anatolis voulait bien encore y croire. Anatolis t'aimait. Demain.